Thank you. Fauvette à tête noire. Un petit grillon noir. Une grande sauterelle verte. Des grillons Eucanthus. Un renard. Un hibou petit duc. Des crapauds alites, une chouette chevêche, Thank you. Thank you.